des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Notre désobéissance à Dieu peut nous conduire à l'asservissement. En d'autres termes, lorsque nous désobéissons à Dieu, nous pouvons devenir esclaves. Esclaves des hommes, esclaves des puissances du mal, esclaves des puissances sataniques. Je vais parler à un monsieur. Regarde-moi bien. La situation que tu connais là, tu vis un moment d'esclavage où rien ne marche. Examine-toi. Est-ce que ce n'est pas à cause de ta désobéissance? Regarde, lorsque Dieu t'a béni, tu as été élevé à un poste de gloire. Lorsque Dieu t'a donné, tu as commencé à faire de missions à l'extérieur du pays. Tu as commencé à avoir des millions. Tu as commencé à avoir des voitures, des terrains. Mais comment tu les as gérés? Tu as dépensé ton argent avec les petites filles. Tu as oublié que tu as une maison, tu as une femme, tu as des enfants. Tu as dépensé tout ton argent dans les choses du monde. Tu as oublié même l'œuvre de Dieu, même ceux qui ont prié pour toi. Aujourd'hui, tu vis des moments difficiles. Est-ce que ne reconnais-tu pas que toi-même, tu t'es mis sous l'esclavage de Satan? Parce que la Bible dit que chacun est esclave de celui à qui il a obéi. Lorsque les enfants d'Israël ont désobéi à Dieu, il les a livrés entre les mains d'un roi païen qui les a servis. Il est dit ici, au verset 12, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Eglon, roi des Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. » Et le verset 13 dit, « Eglon réunit à lui les filles d'Ammon et les Amalécites. Il se mit en marche, il battit Israël, ils s'emparèrent de la ville des palmiers. » Et le verset 14 a renchéri en disant, « Et les enfants d'Israël furent asservis, c'est-à-dire sont devenus esclaves, furent asservis 18 ans à Eglon, roi des Moab. » Quand tu vis dans le péché, tu peux vivre longtemps dans l'asservissement. L'asservissement des puissances diaboliques, l'asservissement des démons. Et ça peut durer autant d'années si tu n'arrives pas à reconnaître où tu es tombé pour te repentir. Deuxième vérité, Dieu est toujours prêt à nous secourir et à nous délivrer si nous crions à lui. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Quand bien même ils furent asservis à ce roi Eglon, roi de Moab, ils ont compris leur misère. Et le verset 15 dit, « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, Benjamite. » Vous voyez, Dieu est toujours prêt à nous libérer. Je vais dire à quelqu'un, même si tu t'es détourné de Dieu, tu t'es éloigné de lui, il peut encore t'accueillir. Si tu lui demandes pardon, si tu reconnais seulement ton péché, si tu reconnais seulement là où tu es tombé, tu t'es livré toi-même entre les mains de Satan, entre les mains des démons. Oui, reconnais ce que tu as fait et crie à lui, reviens à lui. Il est capable de te libérer. Vous voyez, lorsqu'il criait à l'Éternel, il ressuscita un libérateur, le juge Ehud. Et nous voyons comment cet homme, c'est quelqu'un qui était stratégique. Lorsque Dieu suscite quelqu'un, il le dote de certaines capacités. Ehud était quelqu'un qui était sage, vous voyez, il était un stratège. Il a procédé par une stratégie spéciale. Avant d'aller combattre cet ennemi d'Israël, il lui a envoyé d'abord un présent, vous voyez. Et puis il avait une épée qui symbolise pour nous la parole de Dieu. Nous devons être armés des armes spirituelles pour combattre l'ennemi. Et puis il a ciblé d'abord le premier responsable. Ça nous montre que dans le combat spirituel, nous devons apprendre à cibler d'abord le premier responsable, celui qui est comme le chef. Lorsqu'il a pu cibler ce chef-là, Eglon, roi de Moab, et qu'il a battu, l'a tué, c'est alors que les enfants d'Israël eurent les dessus sur leurs ennemis. Troisième vérité, nous devons apprendre à combattre dans l'unité autour de notre leader. Quand Dieu vous donne un leader, votre tâche ou votre responsabilité, ce n'est pas de s'opposer au leader. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui n'avancent plus parce que les gens qui entourent les pasteurs, en commençant par les membres du conseil, ils sont en train de comploter contre les pasteurs. Il y a des membres qui désobéissent aux leaders. Il y a toujours des problèmes. S'il n'y a pas l'unité, dans la vision, c'est difficile que l'œuvre de Dieu avance. Vous voyez ici, quand bien même Dieu est suscité, Ehud, comme juge, comme libérateur, mais lui-même a compris qu'il avait besoin des gens autour de lui pour combattre avec lui. Vous voyez, c'est pourquoi il est dit au verset 27. Dès qu'il fut arrivé, il sonna la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui dans la montagne. Donc il n'est pas parti seul. Il fallait que les enfants d'Israël descendent avec lui. Et on dit, et il s'est mis à leur tête. Le verset 28, il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Vous voyez? Lui aussi, il ne s'est pas frappé la poitrine pour dire, donc c'est moi qui suis le libérateur. Il a compris que c'était une victoire collective. Lorsque Dieu te met à la tête d'une structure, il ne faut pas chercher à t'attribuer seule la gloire. Il faut savoir que c'est en équipe que nous pouvons avoir la victoire. Vous voyez, il dit, Dieu a livré vos ennemis entre vos mains. Vous voyez, il a compris que tous les enfants d'Israël étaient impliqués dans cette victoire-là. Ne cherchons pas notre propre gloire, mais nous devons chercher le travail en équipe pour que tout le monde sente qu'il a été impliqué et que c'est une équipe qui gagne. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier le Seigneur, nous allons le louer en chantant ces cantiques. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Sa puissance, la main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour

Nous sommes reconnaissants, ô Père éternel, pour toutes les grandes choses que tu réalises dans notre vie. Nous sommes reconnaissants pour ton torrent d'amour. Nous sommes reconnaissants pour tes avalanches d'amour à notre égard. Amour incomparable, amour illimité. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour les frères et les sœurs qui expérimentent en ce moment un blocage dans leurs affaires, qui n'arrivent pas à s'épanouir, qui n'arrivent pas à avancer sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, à cause d'un péché qu'ils auraient commis, à cause d'une transgression qu'ils auraient commise. Nous nous identifions à ces frères et à ces sœurs et nous demandons pardon au Père éternel. Tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous délivrer de toute iniquité. C'est pourquoi, ô Père éternel, en toute humilité, nous demandons pardon pour tous ces péchés, pour toutes ces transgressions, pour toutes ces iniquités. Manifeste ton amour et que ces péchés soient pardonnés par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Je prie, ô Père éternel, contre toute forme de récidive. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout lien qui pousserait tes enfants à revenir vers leurs anciens péchés soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et nous savons qu'ils seront délivrés parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Merci pour cette délivrance de l'opprobre. Merci au Père éternel pour la restauration et la sécurité dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. C'est au nom de ce Fils que tu as bien aimé et que tu as envoyé pour nous que nous avons prié. Amen. Amen. Nous voyons ici comment Dieu suscite toujours des libérateurs. Il a suscité Ehud. Nous allons prier pour que Dieu suscite toujours des personnes pour libérer nos familles, pour libérer notre Église, pour libérer nos nations, pour libérer notre population. Que Dieu suscite des Ehud, même dans nos églises, des leaders stratégiques, des leaders qui sont visionnaires, capables de relever des grands défis. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Te remercier ce matin pour la vie que tu nous donnes, la grâce que tu nous fais, la miséricorde que tu nous accordes à chaque instant. Notre Dieu, malgré notre infidélité, tu demeures toujours fidèle. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi seul parce que tu le mérites. Sois béni. Nous prions ce matin, nous crions vers toi, nous te supplions, Dieu Tout-Puissant. Parce que la situation mondiale, la situation qui nous environne, que nous expérimentons, que nous voyons, nous encourage à te demander de susciter des libérateurs, des hommes capables de combattre, de se lever, de refuser la compromission, de refuser des situations difficiles, des situations qui peuvent amener l'Église à sombrer, les enfants de Dieu à apostaser. Nous prions que ces personnes soient suscitées dans nos maisons, dans nos églises, dans nos ministères, dans nos sociétés, que ce soit partout pour combattre pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu, pour protéger le peuple de Dieu, libérer le peuple de Dieu. Seigneur, nous t'en supplions. Tu l'as fait au temps des juges. Tu es encore le même, tu n'as jamais changé. Louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu suscite en nous l'esprit d'unité. Nous avons vu que Ehud a compris que c'est dans l'unité qu'il devrait vaincre les Moabites. Il a dit, venez avec moi. Et tous les enfants d'Israël étaient unis autour de la vision de Luder. Prions pour combattre l'esprit de division, l'esprit de rivalité dans nos églises, même dans nos familles, même au niveau de nos nations. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour le bonheur. Merci pour ta paix qui nous inonde. Merci parce que tu nous permets d'être au rendez-vous encore aujourd'hui. Toutes ces œuvres sont, oui, le sujet de ton amour pour nous. C'est pour cela que nous t'élevons. Merci pour des hommes et des femmes que tu suscites, des Jéhudes que tu suscites, des hommes que tu donnes une vision que tu suscites et qu'autour d'eux, tu mets des personnes ressources pour les accompagner dans cette vision. Merci parce que, papa, ces Jéhudes, tu les suscites dans nos communautés, dans nos églises. Ces Jéhudes, tu les suscites encore dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles. Tu les suscites dans le pays. Tu les suscites dans une portion d'activité afin que, dans cette portion d'activité, ton nom puisse être glorifié. Ces Jéhudes aient des partenaires, des amis qui approuvent la vision et qui marchent dans cette vision pour que cette vision puisse grandir, puisse se développer, puisse avoir un impact. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton amour. Béni sois-tu pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Merci parce que nous allons avancer, nous allons progresser. Nous ne serons point malades en ce jour. Avec toi, nous allons faire des exploits. Avec toi, nous allons écraser nos ennemis en Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Nous sommes couverts du sang de Jésus-Christ. Cette journée est une bonne journée pour chacun. Merci pour les écluses de ceux qui sont ouvertes. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous rappeler que nous allons poursuivre notre thème « La persévérance qui conduit à la victoire » les dimanches prochains, dimanche 29 mai, dans le cadre de bonheur conjugal. Tous les célibataires aspirant au mariage sont priés d'être là au supper. Nous aurons deux services. Premier service à 16h, deuxième à 18h. L'entrée est libre. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.